perdre son temps à chercher des détails. Ce n'est qu'en grandissant que l'on trouve notre faille. On peut prendre du temps pour trouver des réponses. Ce n'est pas en vieillissant qu'il faudra que l'on fonce. Toi, tu m'as tout appris sans même me connaître. Tu as quitté ma vie avant de me voir naître. Je ne saurai jamais quel chef tu étais. Notre différence d'âge ne me l'a pas permis. Toi, tu as fait naufrage, je continue ma vie. Traîne le regret d'une enfance perdue, car je n'aurais jamais su le chef que tu étais. Non, c'est simplement la vie. Bien sûr, on se connaît. Ça, ce n'est pas vraiment nouveau. En revanche, ce qu'il est, c'est le vin dans mon eau. J'aurais tellement aimé que tu sois là présent. Tu puisses admirer cette musique d'innocence. Et je ne saurais jamais quel chef tu étais. Notre différence d'âge ne me l'a pas permis. Toi, tu as fait naufrage, je continue ma vie. Traîne le regret d'une enfance perdue.